cas de reggae sur. Ça tourne un peu. Vas-y, reste à JP. Vas-y, chante ta chanson, mon gars. Hey, babadabadamama. And I smoke my ganja to forget them. smoke my ganja to forget them. I'm a dope Babylon that hate them. I'm a dope Babylon that whip them. I wanna know what this love is country. I wanna know what the falling down. Telling me is alright. They're telling me I don't have the right. Give me the man. Give me the response of this old man. Pour éviter les dangers. Baby, now that I'm a Rastafari, Rastafari, Rastafari, Gotta, Gotta, Rastafari, Rastafari. Allez, Coco, dans la place. De la passion, changement de couleur, ma caméléon, change de couleur, change de couleur, ma caméléon, change de couleur pour éviter tous les dangers, pour éviter tous les dangers, moi change tous les dangers, pour éviter tous les dangers, il sait comment aspirer. Pour éviter tous les dangers, même dans la nuit, il sait, il sait, il sait. C'est car ma caméléon, ma lumière, change de couleur. Ma caméléon, les tours, c'est changé de couleur. Ma caméléon, mon Dieu de mon pape, change de couleur. Changer des couleurs, changer des couleurs, changer des couleurs, oh oh. Ma caméléon, une couleur avec le temps. Ma caméléon, les jours changent de couleur. Ma caméléon, suivant les moments, suivant les instants, suivant le temps, va s'adapter au plan du moment. Oh, y'a ma caméléon qui va s'adapter aux environnements. C'est car ma caméléon qui va s'adapter avec le temps. C'est car ma caméléon qui va s'adapter avec les gens. Oh, ma caméléon qui va s'adapter à son environnement. Oh, yeah. Ouais, ouais, ouais, ouais. Avec le temps, change d'humeur, change d'humeur, change de couleur, change d'humeur, change de couleur, change d'humeur, change de couleur, change d'humeur, suivra son environnement. Laissez-la planter, laissez-moi planter la plante déjà, la plante déjà. Laissez-moi planter, laissez-moi planter la plante déjà, la plante déjà. Laissez-moi planter, laissez-moi planter ou la plante déjà. Laissez-moi planter, ou la plante déjà, la plante déjà. Oh laissez-moi planter, oh laissez-moi planter ou la plante déjà. Plante de ja, oh laissez-moi planter ça. Oh oh. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La plante de ja, la plante de ja. La plante de ja, la plante de ja. Laissez-moi planter la plante de ja, plante de ja. La plante de ja, oh laissez-moi planter ça. Laissez-moi planter ça. Laissez-moi planter ça, Babylone. Laissez-moi planter ça chez moi. Oh, je vais faire pousser chez moi une forêt. Si la forêt ne vient pas à toi, tu vas la chercher. Je vais faire pousser chez moi une forêt. La forêt ne vient pas à toi, tu vas la chercher. Oh, c'est la plante de Dieu, plante de Dieu, que je dois fumer dans Babylone. La plante de Dieu, plante de Dieu, que je dois fumer dans Babylone. La plante de Dieu, la plante de Dieu, que je dois fumer dans Babylone. La plante de Dieu, la plante de Dieu, que je dois fumer dans Babylone. Thank you. La plante de ja que je fumais tous les jours, c'est Babylone qui me. Mais me connais pas, c'est Jack qui me donne ça. C'est Jack qui me donne ça. La plante de ja, c'est Jack qui m'a donné ça. La plante de ja, c'est Ja qui m'a donné ça. Tu crois que tu vas pouvoir me l'enlever? Tu crois que tu. La plante de ja, tu vas trouver ça où, tu vas trouver ça chez toi. Bien monter, monter, cacher ça dans les quartiers. Tu vas trouver ça où? Seulement dans les quartiers. Il va bien faire empoisonner. La plante de ja, tu vas trouver ça où? Moi dans les quartiers, je t'empoisonner. Tous les shit coupés. On fume ça plus. Gaffe à la qualité. Fais gaffe à la qualité. La plante de ja, tu vas trouver ça où? La plante de ja, tu vas trouver ça où? La plante de ja, tu vas trouver ça où? La plante de ja, tu vas trouver ça où? Yeah. Trompette. manque de jazz. Tu m'as trouvé ça où, tu vas trouver ça où, la plante de Dja, la plante de Dja. Tu vas trouver ça où, tu vas trouver ça où. Tu m'as dans les quartiers, je veux te voir mais gars va pas te faire pas doter. C'est Babylone qui nous donne pas l'opportunité. Babylone tu ne donnes pas l'opportunité de pouvoir voyager. Oh, la plante est déjà, la plante est déjà. Tu vas trouver ça, je vais trouver ça. Déjà, la plante est déjà. Oh, aïe aïe aïe. La plante est déjà, la plante est déjà. Tu vas trouver ça, tu vas trouver ça. La plante est déjà, la plante est déjà. Tu vas trouver ça, on a besoin de fumer ça. On a pris l'habitude. Et puis le temps d'un vent, la plante est déjà. Les familles, de père en fils, tu vas trouver ça, tu vas trouver ça. Tu vas trouver ça, tu vas trouver ça. J'avance, la plante est déjà. Tu vas trouver ça, tu vas trouver ça. Hey, hey, hey. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Waya yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Waya yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Déjà, tu vas trouver ça. Waya ya ya ya ya ya ya ya. La plante déjà, la plante déjà. Tu vas trouver ça où? Tu vas trouver ça où? La plante déjà, la plante déjà. Tu vas trouver ça où? Tu vas trouver ça où? La plante est déjà, tu vas trouver ça, tu vas trouver ça, t'es déjà. La plante est déjà, tu vas trouver ça, tu vas trouver ça, tu es plutôt du genre à avoir un placard dans Babylone. Tu es plutôt du genre à balader chez toi dans le mur. Donc tu monteras à la raison, au calmer les temps, calmer, calmer le temps. Calmer, calmer le temps, la plante est déjà, la plante est déjà, tu vas trouver ça, tu vas trouver ça, la plante est déjà, la plante est déjà, tu vas trouver ça, tu vas trouver ça, la plante est déjà, la plante est déjà, tu vas trouver ça, tu vas trouver ça, la plante est déjà, la plante est déjà, tu vas trouver ça, oh yo yo yo, what's up for right now? Rastafari man, Rastafari man, oh. Rastafari man, Rastafari man, oh. Oriental Rastafari. Oriental Rastafari. Oriental Rastafari. Oriental Rastafari. Royal Rastafari. Rastafari, world Rastafari, Oriental Rastafari. Hey Coco, c'est cool, j'aime bien ta voix, sympa. Coco, elle a une super voix, Coco. Ouais, c'est cool, merci man. Sympa de jouer avec toi. C'était sympa.